بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 56 dans l'explication du livre Manzumat Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya. Donc c'est l'éthique de la charia et du Cheikh al-Mardawi avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc, on est toujours dans le chapitre Hukmul Akl wal Masajid. Donc, le jugement au sujet de manger et au sujet des mosquées. Donc, on va commencer à partir de l'endroit où c'est arrêté au dernier cours. Il y a le vers suivant, c'est Wa akhdhun wa i'ta'un wa aklun wa shurbatun. بمصراهو فكرهه ومتكئا زيدي. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit يكره الأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن هذا يعني تشبه بالشيطان فليأكل باليمين. قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك ونهى عن الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى لأن هذا تشبه بالشيطان وكذلك الأخذ من الناس وإعطاء الناس يكون باليد اليمنى لا تعطي الناس باليد اليسرى أو تأخذ منهم الأشياء باليد اليسرى بل يكون هذا باليد اليمنى وهذا من الآداب الشرعية وكذلك يكره أن تأكل وأنت متكئ على شيء على جدار أو على مخدة لأن هذه صفة المتكبرين وأيضا فيه يعني شجع ورغبة في الطعام أما إذا جلست مستوفزا فإن هذا مما يقلل أكل الطعام وتقليل الأكل مطلوب شرعا قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فيكره الرغب في الأكل والشبع الرغب في الأكل والشبع ولا يجلس متكئا إلا إذا كان يحتاج إليه إذا كان يحتاج إلى الاتكاء فلا بأس كأن يكون معيب الجسم أو مريضا أما إذا كان صحيحا فلا يأكل وهو متكئ. Donc, on va traduire ici le passage, c'est que le Cheikh Al-Mardawi, il mentionne dans ce vers وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكرهه ومتكئا زيدي. Donc c'est-à-dire que c'est interdit de manger avec la main gauche, de boire avec la main gauche, parce qu'il y a dans ça la ressemblance avec le shaitan. Alors il faut manger avec la main droite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, mange avec ta main droite. Et il a interdit de manger avec la main gauche et de boire avec la main gauche parce que ça ressemble, c'est la ressemblance avec le shaitan. De même que, yani, il faut prendre avec, lorsqu'on prend quelque chose, quelqu'un nous donne quelque chose, on prend avec la main droite. Et si on donne quelque chose à quelqu'un, on le donne avec la main droite. On ne donne pas avec la main gauche. Hein, et on ne prend pas non plus avec la main gauche. Donc si tu prends quelque chose, ça doit être avec la main droite. Et si tu donnes avec la main droite aussi. Ça fait partie des étiquettes de l'islam et de l'éthique de la charia. Et également, il est détestable de manger alors qu'on est accoudé. Hein? Si on est, par exemple, à côté sur quelque chose, on ne doit pas s'accoter lorsqu'on mange. Ni sur un mur, ni sur un coussin, ni sur un oreiller. Il dit parce que ça fait partie des caractéristiques des gens orgueilleux. Hein? Et il dit qu'il y a en fait également dans ça quelque chose qui incite à la gourmandise et à la à manger trop. Hein? Si tu manges dans cette position-là, c'est pas bon. Il dit tandis que si tu manges dans la position, disons, accroupie, hein, et assise droite, eh bien, à ce moment-là, ça diminue la quantité de nourriture que tu es capable de manger. Et de diminuer la consommation de nourriture, de manger moins, hein, ou de manger des portions plus petites, ça c'est quelque chose qui est recherché en islam et exigé en islam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, hein, que il suffit au fils d'Adam quelques bouchées pour qu'il puisse se tenir droit, hein, pour tenir son corps droit, dans le sens que ça lui donne la force qu'il a besoin. Et il dit, mais s'il doit manger, hein, eh bien qu'il ne dépasse pas un tiers pour sa nourriture, un tiers pour ce qu'il boit et un tiers pour respirer. Donc, de ne pas dépasser le tiers avec la nourriture. Parce que si tu manges trop, c'est très mauvais. En même temps, c'est très mauvais pour la santé. Hein? Et souvent, on mange trop sans même s'en apercevoir. Hein? Sans même s'en apercevoir. On mange trop sans même s'en apercevoir. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Parce que ça nous fait prendre du poids. Hein? Et c'est dangereux aussi pour d'autres problèmes de santé qui découlent de ça aussi. Hein? Et donc le musulman, il doit contrôler sa quantité de nourriture et sa consommation. Et il est détestable également d'être trop gourmand dans qu'est-ce qu'on mange et de vouloir toujours être rempli et rassasié. Hein? Et on ne doit pas manger accoudé ou bien à côté sur quelque chose, sauf si quelqu'un a besoin de ça, dans le sens que si une personne est, par exemple, il a un handicap ou il est malade et il a besoin de s'accouder parce que c'est nécessaire pour lui à ce moment-là, hein, ou il a besoin de ça pour être capable de manger comme il faut parce que il a mal quelque part ou il est handicapé ou bien quelque chose comme ça, à ce moment-là, il peut manger accoudé ou bien à côté sur quelque chose. Toutefois, s'il est en bonne santé, qu'il est normal et qu'il n'a aucun problème, à ce moment-là, il ne doit pas manger à côté sur quelque chose. Ensuite, le vers suivant, il dit wa in fi tariqin wasi'in tabni masjidan bi idhni imamin la yadurru wa tusaddadi. La yadurru tusaddadi. Bi idhni imamin la yadurru tusaddadi. Donc ici, qu'est-ce qui est mentionné? On va lire l'explication. Cheikh Al-Fawzan, il dit bina'ul masajid matloubun. وفيه فضل عظيم وقد جاء في الحديث من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يعني فبناء المساجد مرغب فيه، ولكن لا تبنى المساجد في الطرقات الضيقة لأنها تضيق على الناس، ولكن تبنى في الطرقات الواسعة. فالمسجد يبنى في الطريق الواسع إذا كان بإذن ولي الأمر، لأن ولي الأمر ينظر في مصالح المسلمين، والآن ينوب عن ولي الأمر وزارة البلديات. وزارة البلديات. نعم. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique que de construire les mosquées, c'est quelque chose qui est exigé en islam. C'est quelque chose qui est bien. Hein? que Allah Azza wa Jal, il nous encourage à, hein, il nous incite à construire des endroits d'adoration et des mosquées. Et il y a dans le fait de construire une mosquée un grand mérite, hein, un grand mérite, une grande récompense. Comme c'est mentionné aussi dans le hadith rapporté par Ibn Majah, et ainsi que dans la Musnad de l'imam Ahmad, quiconque construit à une mosquée pour Allah, hein, et ensuite il dit qadra mafhasi quta, donc c'est comme d'après ce que je comprends ici, c'est comme un nid, un genre de nid d'oiseau. Donc si quelqu'un construit pour Allah une mosquée, même de la grosseur même en voulant dire, même si c'est petit, c'est pas obligé d'être une mosquée immense, même s'il construit une petite mosquée pour Allah, eh bien Allah va lui construire dans le paradis une maison. Hein. Donc sa récompense, c'est que il aura une maison qui sera construite pour lui dans le paradis. Donc le fait de construire des mosquées, c'est quelque chose qui est encouragé, hein, en islam. Toutefois, les mosquées doivent pas être construites dans des endroits étroits, des endroits qui sont, comme on dit, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place pour passer des choses comme ça. Il dit parce que si on les construit dans des endroits qui sont très étroits, eh bien ça devient difficile pour les gens sont tous écrasés, hein, les uns sur les autres, et ou bien ils ont de la difficulté à circuler comme il faut. Donc il faut construire les mosquées dans des endroits où les chemins sont assez larges, hein, pour les gens. Et on ne doit pas donc construire les mosquées dans des endroits étroits. Et il faut également, pour que les mosquées soient construites dans des endroits spécifiques, il faut avoir la permission du dirigeant. Et le pourquoi? Parce que le dirigeant, c'est lui qui doit analyser les intérêts des musulmans. Et il dit qu'à notre époque, disons, il y a un ministère dans les pays musulmans qui est responsable de qu'est-ce qui est construit dans la ville et à quel endroit quelqu'un a un permis pour construire une mosquée ou n'importe quel autre bâtiment. D'accord? Donc, c'est ce ministère-là qui représente le dirigeant dans ces questions qui ont rapport avec la construction de mosquées ou autres. Donc, dans l'islam, il doit y avoir cette organisation et cet ordre. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas construire n'importe quoi à n'importe quel endroit. Sinon, ça devient l'anarchie, le chaos. Et tout le monde fait n'importe quoi. Et après, il n'y a plus d'ordre. Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, le cheikh, il continue ensuite, il dit wala tabnihi min ghayri udhrin bi awkadi waqif ma'a marasim ash-shari'ati tahtadi wa yahrum ihdath al-ghiras bi masjidin fa in waqifat ma'a waqfihi al-muta'akkid. Donc ici le premier vers, ici, il dit, al-Mardawi, il explique, il dit, وَكَذَلِكَ لَا يُبْنَ مَسْجِدٌ فِي مَكَانٍ يُضَارُ بِمَسْجِدٍ آخَرٍ قَرِيبٍ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا يُضَارٌ بِالْمَسْجِدِ الْقَدِيمِ وَيُفَرِّقَ النَّاسِ وَالْمَطْلُوبِ اجْتِمَاعُهُمْ مَعًا مَهْمَا أَمْكَنْ اجْتِمَاعُهُمْ مَهْمَا أَمْكَنْ وَالْكَثْرَةُ مَطْلُوبَةٌ فتعدد المساجد ينبغي أن يراعى فيه حاجة الناس ويراعى فيه عدم تقارب المساجد لأن لا يشوش بعضها على بعض ولأن لا يفرق الناس والمطلوب اجتماعهم. Donc ici, premièrement, dans le premier vers, Cheikh, il explique que Cheikh Al-Fawzan, il dit, il faut ne pas con- il faut pas construire une mosquée à un endroit où il y a déjà une mosquée à côté, proche. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas construire une mosquée alors que juste à côté ou très proche, il y a une autre mosquée, puisque cela va faire du tort à la nouvelle mosquée, à l'ancienne mosquée qui était là avant. Et ça va diviser les gens qui prient dedans. Et donc, qu'est-ce qui doit être recherché plutôt? C'est d'agrandir la mosquée, la première mosquée, et, ou bien de faire en sorte que les gens soient réunis ensemble, tant que cela est possible. Donc, le plus grand nombre de personnes, c'est quelque chose qui est recherché. C'est quelque chose qui est recherché. Et le fait qu'il y ait donc un plus grand nombre de mosquées ou plus de mosquées, eh bien ça c'est quelque chose, yani, qui nécessite de notre part qu'on regarde le besoin des gens, d'accord? Et on doit également tenir compte du fait que il ne faut pas qu'elles soient trop rapprochées l'une de l'autre, puisque si elles sont trop rapprochées l'une de l'autre, eh bien, elles vont créer des problèmes l'une à l'autre, ces deux mosquées-là, et ça risque de diviser les gens. Et qu'est-ce qui est exigé plutôt, ou qu'est-ce qui est recherché plutôt, c'est que les gens soient réunis et non pas divisés. Donc, ça, c'est important. Donc, avant d'ouvrir une mosquée quelque part ou de construire une mosquée quelque part, d'être certain que dans le quartier, il n'y a pas déjà une mosquée qui est là. Il n'y a pas déjà une mosquée qui est là pour éviter justement que ça crée de la fitna, que ça crée des problèmes. Aussi, parce que même dans les pays non musulmans, j'ai vu dans certains endroits où les chrétiens, par exemple, ils ouvrent des églises et puis tu vois, par exemple, deux églises une à côté de l'autre, ou même des fois dans le même bâtiment, deux églises. Qui sont pourtant deux églises et des chrétiens, donc en principe, pourquoi ils devraient prier ensemble? Pourtant, ils font leur messe en même temps et les deux ont des pasteurs différents. Et puis, les gens vont pas, ceux qui vont dans une des églises vont pas dans l'autre. Et ça, c'est vraiment étrange, franchement. Et de voir des choses comme ça, c'est triste, mais ça nous montre la réalité de ces gens-là et de leur division en même temps, d'accord? Alors que nous les musulmans, dans notre religion, il y a justement des règles à ce sujet-là. Et j'ai vu dans certains quartiers des endroits où il y a des choses comme ça. Par exemple, même ici à Montréal, il y a une mosquée dans un quartier pas loin d'ici, à une certaine distance d'ici, quelques kilomètres. Et c'est un coin en bas, plus bas dans Côte des Neiges. Il y a une mosquée des Shia et juste à côté une mosquée des, je pense que c'est des gens du Bangladesh, mais il s'est mélangé un manhaj, des Diobandi a mélangé avec des Ikhwan, en tout cas un peu mélangé. Et puis juste à côté il y a un centre des soufis, de la secte des Mourides du Sénégal. Donc, les soufis du Sénégal, ils vont pas prier dans la mosquée du Bangladesh, et bien entendu, les chiites, ils vont pas prier dans les mosquées de Ahl-Sunnah. Donc, c'est comme une à côté de l'autre. Et je me rappelle, un jour, j'étais parti prier Salatul Isha, à l'époque où on n'avait pas encore la mosquée de Nourain, et je voyais il y avait les soufis sénégalais devant leur immeuble, et c'est juste collé avec la mosquée, juste à côté. Et les gens commençaient à arriver pour la salat de Isha. Alors je parlais avec les deux soufis qui étaient assis devant la porte. Et je discutais comme ça avec eux pour, juste comme ça pour avoir un peu, de leur pour demander de leurs nouvelles, et puis en même temps pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Et puis juste à ce moment-là, il y avait une dame qui est sortie avec un garçon, son petit garçon, puis le petit garçon, il suivait les gens pour rentrer dans la mosquée pour aller faire la salat. Et le petit garçon qui était avec cette dame qui sortait de chez les soufis, là, et puis cette dame, je crois que c'est sa mère, elle lui dit, viens, va pas là-bas. J'ai dit à la dame, j'ai dit, mais madame, pourquoi vous l'empêchez de rentrer dans la mosquée? Hein? Et elle a dit, ici aussi c'est une mosquée. J'ai dit, subhanallah. Ça veut dire, ça, quand tu vois des choses comme ça, tu vois, c'est le danger, qu'est-ce que ça fait la bid'ah? Comment ça peut diviser les gens? Tu vois? Ça devient vraiment la fitna. Et imaginez quelqu'un qui est pas musulman, hein, qui vient là-bas, et là, il arrive devant ces trois endroits-là, et il se pose la question. Moi, s'il dit, si je veux devenir musulman, dans quel de ces trois-là je dois rentrer? Hein? Allah al-Musta'an, ça c'est ça la fitna. Donc c'est pour cette raison, ok, c'est pour cette raison que il faut qu'il y ait justement de l'organisation dans ces questions-là, puis qu'on ne doit pas ouvrir une mosquée à côté d'une autre mosquée, puisque ça c'est clair que ça crée des problèmes. Allah al-Musta'an. Et dans ce pays, par exemple, quand c'est pas un pays musulman, eux ils font pas la distinction entre la vérité et le faux. Ils ne font pas la distinction entre les rafidras, hein, qui appellent à la bid'a, au shirk, et entre les gens de bid'a, les soufiyas, hein, et entre les gens de la sunna. Ils ne font pas de distinction entre ces choses-là. Parce qu'eux, ils croient en la liberté de croyance. Hein, c'est-à-dire, tu peux croire en qu'est-ce qui est faux, c'est pas grave. Hein, même si tu crois en qu'est-ce qui est faux, c'est pas grave. Et depuis qu'on te donne le permis, tu peux le faire, même si c'est faux. Hein? C'est-à-dire, eux, ils te donnent le permis pour ouvrir une mosquée, mais même si tu appelles au shirk et à la bid'a, ils vont pas t'empêcher. Hein? Donc, c'est ça qui est dangereux aussi, Allah al-Musta'an, que tout le monde peut appeler à n'importe quoi dans ces pays-là et se permettre de faire des bid'a et d'appeler à des formes de shirk et à des égarements, puis ils ont le permis, là, ils vont pas les empêcher de faire qu'est-ce qu'ils font. C'est ça qui est le danger ici. Et même des fois, si tu appelles à la vérité et tu clarifies les choses comme Allah t'ordonne dans certains pays, comme par exemple en France, par exemple, si tu appelles à la sunna et à la salafia, eh bien, tu risques de te faire fermer ta mosquée alors que tu appelles à la vérité, hein, parce que ça les dérange. Hein. Ils veulent que tu sois dans leur religion à eux, la religion des laïcs. Hein. Si tu n'es pas laïque, tu n'es pas français. Et si tu n'es pas français, tu es musulman, tu ne peux pas rester là-bas. Donc, il faut que tu t'en ailles. Hein. C'est devenu maintenant leur pays, là, ça devient comme une religion. Et si tu veux vivre dans leur pays, il faut que tu acceptes leur religion. Donc, si tu dois choisir entre l'islam ou vivre en France. A'udhu billah. Ça, c'est presque devenu comme ça maintenant. Il faut que tu acceptes leur croyance. Et ils te disent que tu as la liberté de croyance, sauf que ta liberté, elle est obligée d'être en accord avec qu'est-ce que eux ils veulent entendre. Ça, c'est des choses aberrantes quand on entend des choses comme ça. C'est parmi les choses les plus absurdes que j'ai jamais entendues depuis que je suis né. Yani, subhanallah. Ala kulli hal. Ensuite, le cheikh, il dit dans le vers suivant, ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça signifie, يعني, le cheikh Al-Fawzan dit, يحرم على الإنسان أن يغرس في مسجد شجرا له لكي يستثمره لأن المسجد وقف فلا يجوز أن يغرس فيه شيء يتملكه غارسه ويستثمره غارسه لأن هذا استغلال للوقف إلا إذا كان هذا الغرس للمسجد ووقف مع المسجد ليستفيد منه المسلمون فلا بأس بذلك. Donc ici le cheikh explique que Si quelqu'un veut planter un arbre dans la mosquée, hein, pour faire pousser des fruits, il n'a pas le droit de faire ça. Il dit parce que la mosquée, c'est un waqf. Un waqf, c'est-à-dire c'est un don qui a été donné pour Allah. Et donc, tout ce qui sort de cette mosquée-là, ou tout ce qui est produit dans cette mosquée-là, eh bien, ça appartient à la mosquée, et c'est, ça donc, ça fait partie du waqf. Ça fait partie de ce qui a été donné pour Allah. Et donc, quelqu'un ne peut pas posséder quelque chose à l'intérieur de la mosquée pour en faire des profits pour lui-même, hein, ou pour faire pousser des fruits pour lui-même. Il dit parce que ça veut dire qu'on utilise le waqf à ce moment-là pour autre, hein, que son but, hein, c'est-à-dire autre que pour la mosquée. Et donc, si c'est quelque chose qu'on a planté dans la mosquée, comme un arbre qu'on a fait planter dans la mosquée, et qu'on le donne en waqf à la mosquée, et que tous les musulmans qui rentrent dans la mosquée peuvent profiter de cet arbre, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème de le faire. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vas dire, je vais planter un arbre dans la mosquée pour que tout le monde puisse manger des fruits de cet arbre dans la mosquée, tout le monde qui veut en manger, il peut en manger. Eh bien, à ce moment-là, c'est permis. Ou bien, si tu dis, par exemple, cet arbre, je le plante dans la mosquée pour que les gens prennent des fruits de cet arbre pour les vendre, puis l'argent de la vente de ces fruits-là va aller à la mosquée. Bon, ça aussi, c'est correct. C'est permis. Il dit, فَإِنْ كَانَ عَنْ أَثْمَانِهَا ذَارِنًا فَكُلْ وَإِلَّا فَفِي أَسْلَاحِهِ بِعْهُ وَرْدُدِي وَإِلَّا فَفِي إِسْلَاحِهِ بِعْهُ وَرْدُدِي. Donc, il dit ensuite, وَمَنْ يَبْنِ لِلَّهِ الْمُهَيْمِنِ مَسْجِدًا بِمَالٍ حَلَالٍ لِلْرُكُوعِ وَسُجَّدِي فَيُبْنَى لَهُ بَيْتٌ بِجَنَّةِ رَبِّهِ فَصُنْهُ عَنِ الْأَوْسَاخِ وَالْقَذَرِ الرَّدِي. Donc ici, le cheikh, il explique, il dit « Rullatu shajar al-maghrous fil masjid waqf fa in kana al-masjid yastaghni anha fala ba's an ya'kulaha al-muhtajun. Amma idha kana al-masjid la yastaghni anha bi an yahtaj ila masarif wa ila nafaqatin fa innaha tuba' wa tusrafu fi maslahati al-masjid. » Donc c'est ça. Comme Cheikh il expliquait par rapport à l'arbre qui est planté dans la mosquée, ça fait partie du waqf, et il dit que si la mosquée, par exemple, elle n'a pas besoin de l'argent qui découle de ces fruits là, eh bien les gens peuvent manger ces fruits là sans problème, s'ils ont besoin de manger, il n'y a pas de mal. Et il dit toutefois, si la mosquée elle ne peut pas se passer de cet argent-là, et qu'elle en a besoin pour les dépenses, ou bien les dépenses ou les choses qui sont dépensées pour la mosquée, à ce moment-là, on peut les vendre, et le profit de l'argent de ces fruits-là va aller aux intérêts de la mosquée pour régler les besoins de la mosquée. Il dit ensuite, بناء المساجد عمل صالح ولكن يثاب عليه بشرطين. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، فلا يكون قصده الرياء والسمعة أو تخليد اسمه كما يقولون، بل يكون خالصا لوجه الله. هذا شرط. والشرط الثاني أن تكون النفقة فيه من مال حلال، فلا يبنى المسجد من مال حرام أو كسب حرام، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن توفرت فيه الشروط وبنى لله مسجدا فله هذا الوعد الكريم، فإن الله يبني له بيتا في الجنة. وقوله فصنه عن الأوساخ والقذر الردي، هذا بيان آداب المسجد، أنه يصان عن الأوساخ، يصان عن الأوساخ، فلا يلقى فيه أوساخ وقمامات بل تخرج منه فينظف فينظف المسجد ويصان من البصاق والبزاق فلا يبصق فيه ولا تترك فيه مخلات من الطعام أو غيره بل ينظف المسجد والبصاق في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى مرة بساقا في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام ثم حك ذلك وجعل مكانه شيئا من الطيب فالمسجد تنظف والذي ينظفه له أجر عظيم إذا نظفها ابتغاء وجه الله عز وجل ما شاء الله. Donc ici le cheikh il explique que la construction des mosquées c'est une bonne action pour laquelle il y a une récompense. Mais c'est à deux conditions. La première condition, pour obtenir cette récompense, il faut avoir l'intention sincère pour Allah. Hein? C'est-à-dire que l'intention de la personne, il ne faut pas que ce soit l'ostentation de se faire voir, de se faire entendre, ni pour que son nom soit perpétré par la suite en disant « ça c'est la mosquée d'un tel » ou « c'est la mosquée d'un tel, c'est lui qui l'a construit ». Hein, pour que son nom soit gardé, qu'on se rappelle de lui ou des choses comme ça. Donc, il faut que la mosquée soit purement pour le visage d'Allah. Et ça, c'est une condition. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui font construire des mosquées. C'est une bonne action. Sauf que, après avoir construit cette mosquée-là, c'est comme s'ils pensent que la mosquée, ça leur appartient, dans le sens qu'ils peuvent décider de tout ce qui se passe dedans, puis avoir le contrôle, et par conséquent, ils vont essayer de, comme on dit, employer des imams dedans, hein, comme ils vont prendre des gens, des imams, pour être imams dans leur mosquée, et c'est eux qui veulent dicter à l'imam qu'est-ce que l'imam doit dire, et qu'est-ce que l'imam doit faire. Et si l'imam enseigne des choses qui sont dans le Coran et dans la Sunna, hein, et qu'il appelle à la voix des salafs, et que lui, ça ne lui fait pas plaisir, eh bien, ou il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans ça, il va lui dire non, appelle pas à ça, appelle pas à la Sunna, et dis pas aux gens de faire ci, et n'interdit pas aux gens de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il veut contrôler. Hein, les imams, contrôler la da'wa, contrôler tout ce qui est fait dans la mosquée, alors que ça, c'est pas son domaine, et ça, c'est pas ses affaires. Hein? Donc, c'est ça le problème. Et aussi, c'est très important, et moi, je le dis souvent aux frères, j'ai dit, parce que dans certains pays, et surtout dans les pays non musulmans, on voit que les gens qui ouvrent des mosquées, leur mosquée devient comme des gouvernements. Hein? Et ils font des élections dans ces mosquées-là pour désigner qui est-ce qui est le président, qui est-ce qui est le trésorier, qui est-ce qui est le directeur adjoint, qui est-ce qui est ci, qui est-ce qui est ça. Hein? Puis l'imam dans la mosquée, c'est comme une marionnette. Hein? Ils veulent lui dire, non, tu dis pas ça, tu dis ça, tu fais pas ça, tu fais ça. Allah al-musta'an. Donc ça veut dire qu'il n'a pas la liberté d'appeler à Allah et de dire la vérité et de clarifier aux gens qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir. Hein? Donc, ils ne veulent pas dire aux gens qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre. Ils veulent aux gens qu'est-ce que les gens veulent entendre. Et il y a des fois, même dans certaines mosquées, si les gens qui prient, ils vont aller, par exemple, se plaindre à l'administration à propos de qu'est-ce que l'imam a dit dans la khutbah, malgré que qu'est-ce qu'il a dit, c'est la vérité qui est dans le Coran, dans la Sunna. Hein? Eh bien, ils viennent se plaindre. Ah, oh, l'imam, il a dit ci, il a dit ça. Nous, on n'est pas d'accord, on n'aime pas ça. Alors, eux, ils vont dire à l'imam, ah, mais écoute, t'as dit telle chose, là, les gens, ils sont pas contents. Hein? Dis pas ça aux gens, dis pas ça dans la khutbah, dis pas ci. Hein? Les gens, ils aiment pas ça. Est-ce que les gens ont besoin d'entendre qu'est-ce qu'ils aiment? Ou qu'est-ce qu'ils doivent entendre, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Hein? Donc ça, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les gens qui doivent décider qu'est-ce que l'imam doit dire dans la khutbah et qu'est-ce que l'imam doit enseigner dans la mosquée. Ça ne regarde pas, c'est pas leur décision, hein. Et c'est pour ça que yani, les ulama, ils ont parlé de ça, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mokbel et d'autres également, qui ont mentionné que yani, dans les mosquées, lorsque les gens font la da'wa, hein, il faut que ce soit les gens qui ont de la science, qui gèrent les mosquées et qui connaissent la da'wa. Ce n'est pas des ignorants, là, des administrateurs qui, juste parce qu'ils ont de l'argent, c'est eux qui contrôlent tout. Et ils veulent dicter tout et contrôler tout ce qui se passe. Ça, c'est pas leur domaine, hein, c'est pas leur place. Hein, Allah al-Musta'an. La mosquée, c'est pas un gouvernement. Même des fois, tu vois, dans certaines mosquées, Allah al-Musta'an, ça devient comme des gouvernements. Les gens, ils veulent même faire des coups d'État là-dedans. Hein. Il y a des gens qui débarquent et puis ils veulent enlever subhanallah, enlever de la mosquée celui qui est là pour le remplacer par un des leurs, hein, et selon la secte ou le groupe ou la bid'a, hein, Allah musta'an. Donc c'est pour ça que ça c'est une catastrophe quand les choses commencent à devenir comme ça, d'accord. Et les gens qui ouvrent une mosquée, il faut qu'ils l'ouvrent, cette mosquée, comme on dit, avec ikhlas. Ça c'est la première condition, hein. Et bien entendu, il faut que ce soit une mosquée qui appelle, qui est basée pour établir la sunna, établir le Coran et la sunna, selon la compréhension des salafs. Parce que si c'est une mosquée pour appeler à la voie de bid'a, il y a des groupes de bid'a, des khawarij, ou des soufia, ou bien des jama'at tablir, ou bien des ikhwan al-muslimin, ou des groupes comme ça, ça c'est juste des problèmes. Et c'est des gens qui veulent en général que propager la bid'a, et essayer de yani, profiter des gens de différentes façons. Et yani, Allah al-Musta'an, ils ont des agendas politiques et autres, et ils utilisent les mosquées pour ça. Alors que le but de la mosquée, c'est pas de faire ça, c'est le but de la mosquée, c'est d'éduquer, hein, d'établir l'adoration d'Allah et d'éduquer les serviteurs d'Allah pour qu'ils puissent adorer Allah comme il faut et d'avoir la bonne aqida. Adorer Allah comme il faut et de leur enseigner les règles de la religion, hein. C'est ça le but de la mosquée, de faire et d'établir la da'wah, hein, d'enseigner, et non pas de faire de la politique ou des choses de ce genre, hein. Allah al-Musta'an. Et ensuite la deuxième condition, c'est, il dit wa antakuna an-nafaqatu fihi, donc il faut que l'argent qui est utilisé pour cette mosquée là soit de l'argent halal. Hein? Donc la mosquée, ça doit être bâti avec de l'argent qui est halal, et non pas une mosquée avec bâti avec de l'argent haram, hein, ou des gains haram. Il dit parce que la mosquée, c'est pour Allah, et Allah, il est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Donc celui qui a bâti une mosquée pour Allah et que ça respecte les conditions, eh bien il aura une part de la promesse qui est mentionnée dans le hadith, que Allah va lui donner une maison dans le paradis pour ça. Et ça comprend toute personne qui a participé, hein, à la construction, ou a aidé, hein, financièrement à la construction de cette mosquée-là. Il aura une part de cette récompense. D'accord. Et donc, c'est pas correct que des gens, par exemple, aillent dans prendre des prêts, hein, dans les banques avec du riba pour construire une mosquée. Ça là, c'est pas correct, parce que c'est pas de l'argent halal dans ce cas-là, hein. Ensuite il dit le chef, yani, tu dois protéger la mosquée des saletés, hein. C'est-à-dire que parmi les règles de la mosquée et les bonnes manières en ce qui concerne la mosquée, c'est de préserver la mosquée des saletés. Donc il ne doit pas y avoir des saletés qui sont jetées dans la mosquée, ou des poubelles ou des choses de ce genre. Il faut que la mosquée soit propre. Et donc il ne faut pas qu'il y ait que les gens crachent à l'intérieur de la mosquée. Il ne faut pas qu'on laisse également des restants de nourriture dans la mosquée ou des choses de ce genre. Et il dit, une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait trouvé dans la mosquée, hein, à son époque, il avait trouvé dans sa mosquée des crachats. Un crachat hein, en direction de la Qibla. Alors, il a nettoyé ça, hein, il a mis du parfum à cet endroit-là, et il était fâché, Yanni. Il était en colère d'avoir trouvé ça, alayhi salatu wassalam. Donc, il a gratté ce crachat, puis là, hein, c'est comme un genre de comme on dit, le mukhat, Yanni. Il l'a enlevé. Le mukhat, c'est la morve, là. Quand quelqu'un crache ça, il envoie ça soit par terre ou sur le mur ou des choses comme ça. Yanni, dans la mosquée, ça, c'est quelqu'un fait ça, c'est vraiment dégoûtant, Yanni. Allah musta'an. Donc, il faut que la mosquée soit propre, hein. Et celui qui nettoie la mosquée, hein, eh bien, il aura une immense récompense de la part d'Allah Azza wa Jal, à condition qu'il nettoie la mosquée pour Allah et pour le visage d'Allah. Ensuite, Cheikh il dit wasun an qadatin aw mukhatin wa bazqatin wa zakhrafatin ma min lujainin wa azjadi. Donc c'est ça. Ici le Cheikh Al-Fawzan il dit وصون المسجد عن القذات لا تتساهل فيها ولو كانت القذات صغيرة وقوله وزخرفة ما من لجين وعسجدي أي وصن وصن المسجد عن الزخرفة أي نوع من الزخرفة المساجد لا تزخرف باللجين والعسجد وهو الذهب أو ماء الذهب ولا تنقش ولا يجعل فيها نقوش ولا يكتب فيها تصان المساجد عن ذلك لأن هذا يشغل المصلين والمساجد ليست معرضا للفنون والنقوش والديكورات بل تصان عن هذا ومن علامات الساعة أن الناس يتباهون في المساجد يقول عمر رضي الله عنه ابن للناس ما يأويهم وإياك أن تحمر أو تصفر. Donc ici, le cheikh il explique que il faut protéger la mosquée de tout ce qui est saleté, hein, de la poussière, les crachats, hein, on a dit tout à l'heure, mukhat, hein, bouzaq. Et il dit aussi des enjolissements ou des embellissements, dans le sens que on veut décorer la mosquée de façon excessive, hein, avec de l'or ou avec de la peinture dorée, hein. Et c'est-à-dire que le cheikh il dit il faut protéger la mosquée de ce genre de décoration là. Il dit parce que les mosquées, c'est pas des endroits qu'on doit décorer ou bien dans lequel on doit faire toutes sortes de dessins ou des gravures ou des écritures, hein, ou des trucs comme ça sur les murs. Il dit il faut protéger les mosquées de ce genre de choses. Il dit parce que la mosquée, c'est pas un endroit pour exposer l'art, hein, et des décors et des choses de ce genre. C'est pas ça le but. Hein. Et si par exemple, on pense à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, comment elle était construite et comment c'était vraiment simple et qu'il n'y avait pas des grosses décorations et plein d'ornements, puis hein, des choses comme ça. Non, il n'y avait pas ça. C'était la modestie et la simplicité. Mais regardez les hommes qui sont sortis de cette mosquée-là, la qualité d'hommes qui sont sortis de cette mosquée-là et l'éducation qu'ils ont trouvée dans cette mosquée-là. Ils n'avaient pas besoin de décoration, ces hommes-là. Hein? Parce que c'était leur cœur qui était décoré de la foi. Hein? Leur parure, c'était intérieurement qu'ils l'avaient. Tandis qu'aujourd'hui, on veut tout décorer à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. Hein? Illa man rahim Allah. Donc, Omar ibn Khattab, il dit, dans une parole, il dit, construis pour les gens ce qui va aller, hein, les protéger, et prends garde d'utiliser du rouge ou du jaune dans les mosquées. C'est-à-dire, ne mets pas des couleurs trop vibrantes ou des choses comme ça. Et pour que la mosquée reste simple, et pour que les choses restent simples. Maintenant, si tu vas, par exemple, dans certaines mosquées, surtout dans les grandes mosquées dans les pays musulmans, même tu vas à Mecca, tu vas à Al-Madina, hein, Al-Masjid Al-Haram ou Al-Masjid Al-Nabawi, ou bien d'autres mosquées qui sont des grandes mosquées comme ça, surtout, tu vois que toute la façon dont c'est décoré, tu vois que, yani, subhanallah, il y a eu beaucoup d'excès dans ça. Il y a eu beaucoup d'excès dans ça. Et ça, c'est une des choses qui m'avait le plus choqué, peut-être la première fois que je suis rentré à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, j'étais étonné même de voir à quel point il y avait trop de parures et de décorations, des choses dorées, puis les tapis, même des tapis avec des dessins, toutes sortes de choses. Et les ulama, ils disent, ça, c'est des choses qui te distraient de l'adoration. Hein? Ça distrait les gens quand ils viennent prier. Et effectivement, c'est vrai. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith que un des signes, parmi les signes de l'heure du jugement dernier, c'est que les gens vont se faire ils vont compétitionner dans la décoration des mosquées pour éblouir les gens avec leur mosquée. Hein? En voulant dire, oh, regardez notre mosquée, comment elle est belle, comment elle est ci, comment elle est ça. Hein? On a payé un architecte pour nous faire toutes sortes de choses, puis on a engager des artisans pour nous dessiner toutes sortes de belles décorations, puis des gravures, puis des peintures, puis des calligraphies, hein, des choses comme ça. Et les gens, ils disent, waouh, ça c'est beau, hein, il faut faire des mosquées comme ça. Et c'est pour ça qu'après, tu vois que la mosquée, hein, des gens, ils construisent des mosquées, maintenant, ils demandent des millions pour faire des mosquées. Tu vois, certaines mosquées, quand ils disent, on a fait dessiner le plan avec l'architecte et tout, et avec les décorations et tout, le total, ça remonte à presque 10 millions, 5, des fois même. Maintenant, c'est devenu comme ça. Hein? Allah al-Musta'an. Pourquoi c'est devenu si cher? Est-ce que c'est vraiment si cher que ça de faire une mosquée? Hein? Non. Mais si les gens, ils se tenaient à faire la mosquée dans le minimum, hein, de qu'est-ce qui est nécessaire et de la faire le plus simple possible, sans aucune décoration, aucune extravagance, juste une mosquée simple, juste pour qu'on puisse établir l'adoration d'Allah et où on peut faire les cours et enseigner et éduquer les gens. Allah al-Musta'an. C'est ça l'important. Est-ce qu'on a besoin de faire toutes sortes d'architecture, puis des choses de ce genre. Donc, c'est ça. Tu vois, ils dépensent pour faire un mihrab. Hein? Un mihrab à l'avant de la mosquée. Ils vont faire un genre de niche, hein, pour que l'imam rentre à l'intérieur. Et ça, même, ça fait partie des innovations. Hein? Ils appellent ça le mihrab. Et aussi Al-Manara, le minaret, ils vont dépenser une fortune sur ça. Hein? Alors que c'est pas obligatoire et pas nécessaire. Surtout qu'avant, ils avaient des minarets, c'était pour monter en haut, pour faire l'appel à la prière, pour qu'on puisse entendre le adhan de loin. Et surtout dans les pays où ils ne nous permettent même pas de pouvoir faire le adhan à l'extérieur. Alors, à quoi ça sert de faire ça et de dépenser de l'argent pour ça, hein? Donc, tout ça, c'est des choses, il faut vraiment que les gens se remettent en question par rapport à ces choses-là, parce que franchement, il y a du gaspillage là-dedans aussi. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine, la suite. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.